Dans Romance sans paroles, Charleroi. Dans l'herbe noire, les kobolds vont. Le vent profond pleure, on veut croire. Quoi donc ce sang? L'avoine siffle, un buisson gifle l'œil aux passants. Plutôt des bouges que des maisons. Quels horizons de forges rouges? On sent donc quoi? Des gares tonnent, les yeux s'étonnent. Où, Charleroi? Parfum sinistre, qu'est-ce que c'est? Quoi bruissez comme des sistres? Sites brutaux. Oh, votre haleine, sueur humaine, cri des métaux. Dans l'herbe noire, les kobolds vont. Le vent profond pleure, on veut croire.